Je fais l'erreur à chaque fois de répondre, mais le sachant que c'est une erreur. Sachant que c'est une erreur, je le fais par honnêteté. Je le fais par honnêteté parce que j'ai affaire à du monde malhonnête. Il y en a un, là. Ça fait je sais pas combien de fois que j'y explique, là, t'es hors sujet. C'est pas approprié. C'est pas le sujet. Il vient faire sa propagande communiste chez nous. Puis là, quand je le coupe parce qu'il est hors sujet, puis je trouve que ça n'a pas rapport avec le propos que je tiens, je vois pas le lien. Qu'est-ce que ça vient faire ici? Là, il crie à la censure. On est pris avec une gang de caves qui ont été mal élevées. Ça, je peux vous le dire. Ça, c'est très clair. Là, j'ai tout à eu à faire le même genre de troll. Vous les coupez, ils rouvrent un autre compte, puis ils reviennent. C'est tout le temps du monde d'un certain. C'est pitoyable vu l'âge. L'âge de ces. Moi, ça me dépasse. C'est digne de des enfants de 15-16 ans. Cette espèce d'acharnement imbécile de venir gaspiller son énergie à venir s'humilier ici. Puis c'est pas le premier. C'est pas le premier. C'est comme si ça attire les mouches, hein? Non, non, c'est pas de la censure. Est-ce que je t'empêche de publier des affaires sur ta chaîne que t'as pas d'abonnés, que t'as plus de vidéos que d'abonnés? C'est tout le temps la même affaire, tout le temps le même genre de chaîne. Non, je te censure pas. Si tu me voles du stock pis t'es de mauvaise foi, m'a te censurer. Je m'en faire valoir mes droits, je l'ai tout le temps fait. Mais je suis dans les limites d'un cadre d'une certaine logique. Mais non, je t'empêche-tu de publier des livres en admettant que tu serais capable d'en écrire un? Cette espèce d'acharnement à venir m'appeler citoyen. Citoyen, c'est ce qui a remplacé camarade chez certains. Citoyen, écoute là. Écoute-moi bien. Citoyen, c'est pas venu au monde avec les niaiseries de Karl Marx, puis le socialisme, puis ces affaires-là. Un citoyen, dans l'Antiquité, fallait qu'il soit propriétaire terrien pour avoir le droit de vote. C'était intimement lié à la valeur marchande d'être citoyen. Et je pense que le droit de vote devrait exister dans les municipalités seulement pour les gens qui sont propriétaires et payent des taxes. Pour se débarrasser des doléances de monde qui. Vous ralentissez tout, puis après vous plaignez le système, le système. Puis là, même ce serait plus à propos si c'était d'autres qui venaient m'achaler. Au moins, on parlerait le même langage. Là, il y a Chartrand en ce moment, M. Chartrand, chez Glenn. Il est à dire au monde, ayez pas peur. Mais tout le système va s'effondrer. Les gens vont être pris de panique, ils vont être possédés, puis ça va être le. Hein? Écoutez, là, si vous êtes en train de perdre la tête, moi j'ai encore la mienne. Ça fait depuis que je suis haut de même qu'on me dit que le système va s'effondrer. Pourquoi? Parce que ça sert d'excuse, justement, pour essayer de créer des affaires parallèles en dehors, puis qui meurent, puis qui marchent pas. Le système, il faut faire avec. Le système n'est pas en train de s'effondrer. Où ça? Le système est en train de s'effondrer. Les gens vont être pris de folie, les masses, ils vont être possédés. C'est déjà le cas, puis c'est pas si pire. Cette espèce de façon de se créer une clientèle par la peur tout en rassurant. Mais ne vous inquiétez pas, hein, comme l'autre. Nous, la Fondation va vous protéger. On a vu ce que ça a donné. Puis moi, j'avais dit ce que ça donnerait. Là, ça va faire. Ça va faire. Même au niveau de ce qui arrive, puis des affaires, des fois, j'ai parlé 5 ans, 7 ans à l'avance. J'ai un maudit bon score. Pourquoi? Parce que j'essaie de garder la tête froide. Pourtant, je suis un caractériel qui s'emporte facilement. Hein? Pourtant, qu'est-ce qui est en train d'arriver là? Rien. À part des affaires comme, bon, on voit ce qui se passe au sud. Bon, pour une fois que des pancartes peuvent servir, puis que le ridicule peut servir. Hein? Mais il reste, au moins, c'est du monde normal qui manifeste. C'est du monde ordinaire, c'est du vrai monde. Du vrai monde, pas des hosties de fous. Je m'excuse, là, mais ça me met tellement en colère. Ça me choque tellement. Puis c'est quoi ça, là, de venir essayer de me picosser pour attirer mon attention? Pourquoi tu veux que je fasse une vidéo sur toi pour avoir des abonnés? C'est ça, là. Tu vas attirer l'attention, là, puis... Non. Moi, je m'en fous du nombre d'abonnés que j'ai. C'est pas à ça que je pense. C'est pas ça que je regarde. C'est pas ça. C'est pas pour ça que je suis là. Donc, abonnez-vous pas. Ça fait des années, parce que j'ai eu plusieurs chaînes. Ça fait des années, je le dis, faites ce que vous voulez, je m'en fous. Je m'en fous. C'est pas ça l'affaire. C'est pas ça l'important. Il y a ces conneries qui se disent en ce moment. Coudon, êtes-vous tous en dépression? C'est ça le mois d'octobre, la lumière baisse, tout le monde capote. Oh, oh, oh, oh, oh. Tu viendras pas ici te me tirer de la lumière, là. Tu vas t'arranger, puis tu vas arrêter de rationaliser tes échecs comme si c'était un succès socialiste. Un petit gang d'innocents. Hein? Si le système s'effondre. Hey. Le système, il est pas en train de s'effondrer, il est en train de transiter. Il est en train de transmuter vers autre chose. C'est-à-dire que vous allez passer des systèmes à un autre. Mais ça va être le même système encore. On change juste des outils, on change juste des marionnettes. Donc bon. Mais ça va être encore là. Ça va être encore là, c'est pas grave. On va faire avec, on est tout en fait avec. Il n'y a rien qui change. Ça fait depuis que je suis enfant que ça va être la fin du monde. Le système va s'effondrer. Dans le temps des mesures, ceux qui, justement, comme monsieur Chartres, soufflaient le chaud et le froid pour se tirer de clientèle en étant à la fois le problème et la solution, en leur faisant peur tout en les rassurant que les mesures étaient là pour rester. Les mesures, ils ont été là un temps pour consolider certaines lois puis certaines affaires, puis là, ça va être la prochaine. Puis là, on verra. Mais même là, c'est par coup, puis c'est progressif. En attendant, il y a toujours moyen de tirer son épingle du jeu, puis jusqu'à un certain point, moi, je pense que ça marchera pas. Ce qu'ils font. Puis ils vont être obligés de reculer, puis de revenir à un système plus conventionnel. Donc là, l'affaire là, de venir me troller ici, là, puis de m'appeler citoyen, puis tout, ça marche pas, là, je vais tout le temps... T'ouvriras d'autres comptes, puis d'autres comptes, puis d'autres comptes, comme d'autres ont fait, maintenant ils se tendent, puis ils vont voir ailleurs. T'es hors sujet, t'es hors côté, t'as pas rapport ici. C'est pas de ça qu'on parle ici. Parce que l'effondrement du système, j'y crois pas. Je pense que c'est d'une stratégie de l'attention, puis que ça fait l'affaire de beaucoup que le monde pense ça. Au niveau des gens inquiets, puis ils sont plus faciles, dans le fond, à devenir des idiots utiles, puis à les faire travailler contre eux-mêmes. Hein? Si tu l'aimes pas, le système sert à toi, hein? Hostie d'épée? Hostie de sans dessin de pauvre innocent? Au lieu de rester dans ton confort, puis de... Le vrai confort, c'est pas celui-là qui est matériel, c'est celui-là qui est mental, des idéologies idiotes, de sans-dessin, qui rationalisent leurs échecs comme des succès. Pas drôle d'être innocent de même. Quelqu'un qui se met une capuche rouge sur la tête à cet âge-là, je veux pas parler à ça. Je veux pas avoir affaire à ça. Si c'était sur la rue, je veux pas parler à ça. Je parlerai pas plus, je veux pas plus échanger sur Internet. Si tu te mets une chemise rouge marquée CCCP, je veux rien savoir de toi. Qu'est-ce que tu comprends pas? Là, après, je perds des abonnés parce que je suis pas fin. Ben, c'est pas grave. C'est pas grave. Je serais le pire des écœurants s'il faut. S'il faut que je me pour me faire respecter à un moment donné, juste au moins la base. Moi, quand je suis pas le bienvenu quelque part, je m'impose pas. Je finis par m'en aller, à moins que je voie que, ben, je suis toléré. Mais toi, je te tolère pas. Fait que va-t'en. Chris, apprends à vivre. C'est comme si j'allais me tenir en plein milieu d'une place publique, habillé d'une façon inappropriée. Puis là, je me mettais à dire des choses délirantes. Puis là, tout d'un coup, la police vient me sortir. Puis là, je considère que c'est de la censure, puis que le fait qu'on veuille me faire taire, c'est la preuve que j'ai raison. C'est quoi ce raisonnement circulaire-là d'imbécile? C'est tellement cave, c'est tellement pas intelligent, que c'en est enrageant. Je viens que j'ai de la paix. Faut-tu être cave? Ça fait pitié. C'est pitoyable être sans dessin de même. C'est ça. Si c'est ça le produit du système, il va pas s'effondrer, là. Parce que c'est toi qui sers le système, pauvre imbécile, puis qui le justifie. Comme tous les sans-dessins de gauchistes, ils ont servi aux mangeux de marde au sud à justifier un paquet d'affaires, puis ils servent d'eux autres, des idiots utiles, mais ça va finir par se retourner contre lui, parce que quand c'est rendu que là, c'est la majorité, puis c'est plus juste les sans-dessins comme toi qui manifestent, ben là, tout d'un coup, ça l'impoie, quand le monde normal, ordinaire, se met de la partie. Vous autres, ne servez à rien. Maudite gang de sans-dessins. Je parle, en tout cas, je m'adresse pas à tout le monde, là. Mais ça se peut-tu nuire de même en pensant qu'on révolutionne pis que pauvre innocent sans dessin d'hostie. Maudite gang. Parce que tout le temps du monde ben loin des grosses villes. Il commencerait à être temps que cette espèce de mépris-là, du monde qui se pense instruit, du monde qui se pense éduqué, qui sont dans des grands centres puis tout, il commencerait à être temps que les régions soient plus fières que ça. On va lui mettre le nez dans leur marde parce que ça allume pas. Ça fait pitié. C'est la seule affaire qui fait que je reste. C'est la seule affaire qui fait que j'essaye d'épargner même. D'être quand même gentil. Parce que c'est pitoyable. C'est piteux. C'est pas de la pitié comme de l'empathie ou de la compassion. C'est vraiment, c'est pitoyable. Il y a une sorte de dégoût. Ça. C'est comme vous retrouvez devant quelqu'un qui vit ses derniers instants. On n'a pas envie de fesser sur des grabateurs. On n'a pas envie de frapper des grabateurs. Ou du monde qui font pitié. Donc là, ça va faire. Ça va faire. T'es pas une victime, toi, là, du système. Tu veux combattre quoi, là? Tu veux combattre quoi, là? Tu vas faire la guerre au système, toi? Hey, la révolution, souvent, ce monde, des restants de cégep, c'est même pas des prolétaires. Là, sont, là, c'est tout le temps le même. L'histoire se répète. C'est pas des prolétaires qui étaient à la tête des États, pis qui ont causé des... Non, non, tout le temps des hosties d'intellectuels de marde. Tout le temps. Les idéologues. Ton idéologie, j'en ai rien à foutre. Elle est déjà morte, paix pas viable. Dans le fond, du monde comme Chartres, oh, le système, c'est parce que vous le souhaitez. Vous prenez vos rêves pour des réalités parce que vous êtes pas bien dedans. Mais c'est pas la magique, le monde, dans le sens que c'est pas parce que vous êtes malheureux que ça vous donne raison, puis que tout le système, puis toute la société, puis toute la culture, puis toute l'histoire, tout de la merde. Non, non, non, non. Continuez à mettre vos énergies en pure perte dans des conneries. Des projets qui se tiennent pas, qui sont pas viables, qui ont pas de structure. L'autre, c'est comme l'autre, Chartrand, puis là, faut pas confondre tout le monde que je parle, là. C'est pas tout le... Les choses, je me fais attaquer, je me ferai critiquer. Je dois pas parler de moi. Je veux dire, moi, j'ai été critique. J'ai pas été attaquant. Je suis critique au niveau logistique, au niveau pratique. Il y a des affaires que je trouve pas logiques dans ce qui nous est exposé. Comment vous voulez faire des systèmes de distribution? Avez-vous vu la grandeur de la province? Ça veut dire qu'il va y avoir des laissés pour compte. Hein? Il va y avoir des laissés pour compte. Comment vous faites la chaîne froide? Comment vous faites l'entreposage? Comment vous allez payer le gaz? On ne sera pas rendu avec des trucks électriques tout de suite. Là, c'est pour demain. Là. Puis on est là à ne pas dire... Il va y avoir des crises de folie. Il va y avoir le système va s'effondrer, puis il va y avoir des gens, les masses vont être possédées. Puis... Mais ne vous inquiétez pas. C'est digne de quelqu'un qui étudie en marketing, ça. On crine d'amende. N'ayez pas peur, puis là... Vous êtes des pelletés de nuages. Gang de pelletés de nuages. Puis ça marche pas. Ça marche, je veux dire, c'est pas ça qui se passe, là. C'est pas ça qui va arriver. Le monde suit son cours.